Chapitre 3 De la vanité. On se demande si la vanité est une passion. En considérant l'insuffisance de son objet, on serait tenté d'en douter. Mais en observant la violence des mouvements qu'elle inspire, on y reconnaît tous les caractères des passions, et l'on retrouve tous les malheurs qu'elles entraînent, dans la dépendance servile où ce sentiment vous met du cercle qui vous entoure. L'amour de la gloire se fonde sur ce qu'il y a de plus élevé dans la nature de l'homme. L'ambition tient à ce qu'il y a de plus positif dans les relations des hommes entre eux. La vanité s'attache à ce qui n'a de valeur réelle, ni dans soi, ni dans les autres, à des avantages apparents, à des effets passagers. Elle vit du rebut des deux autres passions. Quelquefois, cependant, elle se réunit à leur empire. L'homme atteint aux extrêmes par sa force et sa faiblesse, mais plus habituellement la vanité l'emporte surtout dans les caractères qui l'éprouvent. Les peines de cette passion sont assez peu connues, parce que ceux qui les ressentent en gardent le secret, et que tout le monde étant convenu de mépriser ce sentiment, jamais on n'avoue les souvenirs ou les craintes dont il est l'objet. L'un des premiers chagrins de la vanité est de trouver en elle-même et la cause de ses malheurs et le besoin de les cacher. La vanité se nourrit de succès trop peu relevés pour qu'il n'existe aucune dignité dans ses revers. La gloire, l'ambition se nomment. La vanité règne, quelquefois à l'insu même du caractère qu'elle gouverne. Jamais du moins sa puissance n'est publiquement reconnue par celui qui s'y soumet. Il voudrait qu'on le crût supérieur au succès qu'il obtient, comme à ceux qui lui sont refusés. Et le public, dédaignant son but et remarquant ses efforts, déprise la possession en rendant amère la perte. L'importance de l'objet auquel on aspire ne donne point la mesure de la douleur que fait éprouver la privation. C'est à la violence du désir qu'il inspirait. C'est surtout à l'opinion que les autres se sont formés de l'activité de nos souhaits, que cette douleur se proportionne. Ce qui caractérise les peines de la vanité, c'est qu'on apprend par les autres bien plus que par son sentiment intime, le degré de chagrin qu'on doit en ressentir. Plus on vous croit affligé, plus on se trouve de raison de l'être. Il n'est aucune passion qui ramène autant à soi, mais il n'en est aucune qui vienne moins de notre propre mouvement. Toutes ces impulsions arrivent du dehors. C'est non seulement à la réunion des hommes en société que ce sentiment est dû, mais c'est à un degré de civilisation qui n'est pas connu dans tous les pays, et dont les effets seraient presque impossibles à concevoir pour un peuple dont les institutions et les mœurs seraient simples, car la nature éloigne des mouvements de la vanité, et l'on ne peut comprendre comment des malheurs si réels naissent de mouvements si peu nécessaires. Avez-vous jamais rencontré Damon? Il est d'une naissance obscure, il le sait, il est certain que personne ne l'ignore, mais au lieu de dédaigner cet avantage par l'intérêt et par raison, il n'a qu'un but dans l'existence, c'est de vous parler des grands seigneurs avec lesquels il a passé sa vie. Il les protège, de peur d'en être protégé. Il les appelle par leur nom, tandis que leurs égaux y joignent leur titre, et se fait reconnaître subalterne par l'inquiétude même de le paraître. Sa conversation est composée de parenthèses, principal objet de toutes ses phrases. Il voudrait laisser échapper ce qu'il a le plus grand besoin de dire. Il essaye de se montrer fatigué de tout ce qu'il en vit. Pour se faire croire à son aise, il tombe dans les manières familières. Il s'y confirme, parce que personne ne compte assez avec lui pour les repousser, et tout ce dont il est flatté dans le monde est un composé du peu d'importance qu'on met à lui et du soin qu'on a de ménager ses ridicules pour ne pas perdre le plaisir de s'en moquer. Sur qui produit-il l'effet qu'il souhaite? Sur personne, peut-être même il s'en doute, mais la vanité s'exerce pour elle-même. En voulant détromper l'homme vain, on l'agite, mais on ne le corrige pas. L'espérance renaît à l'instant même du dégoût, ou plutôt, comme il arrive souvent dans la plupart des passions, sans concevoir précisément de l'espérance, on ne peut se résigner au sacrifice. Connaissez-vous Lycidas? Il a vieilli dans les affaires, sans y prendre une idée, sans atteindre à un résultat. Cependant, il se croit l'esprit des places qu'il a occupées. Il vous confie ce qu'ont imprimé les gazettes. Il parle avec circonspection même des ministres du siècle dernier. Il achève ses phrases par une mine concentrée, qui ne signifie pas plus que les paroles. Il a des lettres de ministres, d'hommes puissants dans sa poche, qui lui parlent du temps qu'il fait, et lui semblent une preuve de confiance. Il frémit à l'aspect de ce qu'il appelle une mauvaise tête, et donne assez volontiers ce nom à tout homme supérieur. Il a une diatribe contre l'esprit à laquelle la majorité d'un salon applaudit presque toujours. C'est, vous dit-il, un obstacle à bien voir que l'esprit, les gens d'esprit n'entendent point les affaires. Lycidas, il est vrai que vous n'avez pas d'esprit, mais il n'est pas prouvé pour cela que vous soyez capable de gouverner un empire. On tire très souvent vanité des qualités qu'on n'a pas. On voit des hommes se glorifier des facultés spirituelles ou sensibles qu'il leur manque. L'homme vain s'enorgueillit de tout lui-même indistinctement. « C'est moi, c'est encore moi », s'écrie-t-il. Cet égoïsme d'enthousiasme fait un charme à ses yeux de chacun de ses défauts. Cléon est encore à cet égard un bien plus brillant spectacle. Toutes les prétentions à la fois sont entrées dans son âme. Il est laid, il se croit aimé, son livre tombe. C'est par une cabale qu'il l'honore, on l'oublie. Il pense qu'on le persécute. Il n'attend pas que vous l'ayez loué. Il vous dit ce que vous devez penser. Il vous parle de lui sans que vous l'interrogiez. Il ne vous écoute pas si vous lui répondez. Il aime mieux s'entendre, car vous ne pouvez jamais égaler ce qu'il va dire de lui-même. Un homme d'un esprit infini disait, en parlant de ce qu'on pouvait l'appeler précisément un homme orgueilleux et vain, « En le voyant, j'éprouve un peu du plaisir que cause le spectacle d'un bon ménage. Son amour-propre et lui vivent si bien ensemble. » En effet, quand l'amour-propre est arrivé à un certain excès, il se suffit assez à lui-même pour ne pas s'inquiéter, pour ne pas douter de l'opinion des autres. C'est presque une ressource qu'on trouve en soi. Et cette crédulité dans son propre mérite a bien quelques-uns des avantages de tous les cultes fondés sur une ferme croyance. Mais puisque la vanité est une passion, celui qui l'éprouve ne peut être tranquille. Séparé de toutes les jouissances impersonnelles, de toutes les affections sensibles, cet égoïsme détruit la possibilité d'aimer. Il n'y a point de but plus stérile que soi-même. L'homme n'accroît ses facultés qu'en les dévouant au dehors de lui, à une opinion, à un attachement, à une vertu quelconque. La vanité, l'orgueil, donne quelque chose de stationnaire à la pensée, qui ne permet pas de sortir du cercle le plus étroit. Et cependant, dans ce cercle, il y a une puissance de malheur plus grande que dans toute autre existence, dont les intérêts seraient plus multipliés. En concentrant sa vie, on concentre aussi sa douleur, et qui n'existe que pour soi, diminue ses moyens de jouir, en se rendant d'autant plus accessible à l'impression de la souffrance. On voit cependant à l'extérieur de certains hommes de tels symptômes de contentement et de sécurité qu'on serait tenté d'ambitionner leur vanité comme la seule jouissance véritable, puisque c'est la plus parfaite des illusions. Mais une réflexion détruit toute l'autorité de ces signes apparents. C'est que de tels hommes, n'ayant pour objet dans la vie que l'effet qu'ils produisent sur les autres, sont capables, pour dérober à tous les regards les tourments secrets que des regards ou des dégoûts leur causent, d'un genre d'effort dont aucun autre motif ne donnerait le pouvoir. Dans la plupart des situations, le bonheur eux-mêmes fait partie du faste des hommes vains, ou s'ils avouaient une peine, ce ne serait jamais que celle qu'il est honorable de ressentir. La vanité des hommes supérieurs les fait prétendre au succès auquel ils ont le moins de droit. Cette petitesse des grands génies se retrouve sans cesse dans l'histoire. On voit des écrivains célèbres ne mettre de prix qu'à leur faible succès dans les affaires publiques. Des guerriers, des ministres courageux et fermes, être avant tout flattés de la louange accordée à leurs médiocres écrits. Des hommes qui ont de grandes qualités, ambitionnés de petits avantages. Enfin, comme il faut que l'imagination allume toutes les passions, la vanité est bien plus active sur les succès dont on doute, sur les facultés dont on ne se croit pas sûr. L'émulation excite nos qualités véritables. La vanité se place en avant de tout ce qui nous manque. La vanité souvent ne détruit pas la fierté. Et comme rien n'est si esclave que la vanité, et si indépendant, au contraire, que la véritable fierté, il n'est pas de supplice plus cruel que la réunion de ces deux sentiments dans le même caractère. On a besoin de ce qu'on méprise. On ne peut s'y soumettre. On ne peut s'en affranchir. C'est à ses propres yeux que l'on rougit. C'est à ses propres yeux que l'on produit l'effet que le spectacle de la vanité fait éprouver à un esprit éclairé et à un homme élevé. Cette passion qui n'est grande que par la peine qu'elle cause, et ne peut qu'à ce seul titre marcher de pair avec les autres, se développe parfaitement dans les mouvements des femmes. Tout en elles est amour ou vanité. Dès qu'elles veulent avoir avec les autres des rapports plus étendus ou plus éclatants que ceux qui naissent des sentiments doux qu'elles peuvent inspirer à ceux qui les entourent, c'est à des succès de vanité qu'elles prétendent. Les efforts qui peuvent valoir aux hommes de la gloire et du pouvoir n'obtiennent presque jamais aux femmes qu'un applaudissement éphémère, un crédit d'intrigue, enfin un genre de triomphe du ressort de la vanité, de ce sentiment en proportion avec leur force et leur destinée. C'est donc en elles qu'il faut l'examiner. Il est des femmes qui placent leur vanité dans des avantages qui ne leur sont point personnels, tels que la naissance, le rang et la fortune. Il est difficile de moins sentir la dignité de son sexe. L'origine de toutes les femmes est céleste, car c'est au don de la nature qu'elles doivent leur empire. En s'occupant de l'orgueil et de l'ambition, elles font disparaître tout ce qu'il y a de magique dans leur charme. Le crédit qu'elles obtiennent ne paraissant jamais qu'une existence passagère et bornée. Ne leur vaut point la considération attachée à un grand pouvoir, et les succès qu'elles conquèrent ont le caractère distinctif des triomphes de la vanité. Ils ne supposent ni estime, ni respect pour l'objet à qui on les accorde. Les femmes animent ainsi contre elles les passions de ceux qui ne voulaient penser qu'à les aimer. Le seul vrai ridicule, celui qui naît du contraste avec l'essence des choses, s'attache à leurs efforts. Lorsqu'elles s'opposent au projet, à l'ambition des hommes, elles excitent le vif ressentiment qu'inspire un obstacle inattendu. Si elles se mêlent des intrigues politiques dans leur jeunesse, la modestie doit en souffrir. Si elles sont vieilles, le dégoût qu'elles causent contre femmes nuit à leurs prétentions contre hommes. La figure d'une femme, quelle que soit la force ou l'étendue de son esprit, quelle que soit l'importance des objets dont elle s'occupe, est toujours un obstacle ou une raison dans l'histoire de sa vie. Les hommes l'ont voulu ainsi, mais plus ils sont décidés à juger une femme selon les avantages ou les défauts de son sexe, plus ils détestent de lui voir embrasser une destinée contraire à sa nature. Ces réflexions ne sont point destinées, on le croira facilement, à détourner les femmes de toute occupation sérieuse, mais du malheur de se prendre jamais elles-mêmes pour but de leurs efforts. Quand la part qu'elles ont dans les affaires naît de leur attachement pour celui qui les dirige, quand le sentiment seul dicte leurs opinions, inspire leurs démarches, elles ne s'écartent point de la route que la nature leur a tracée. Elles aiment, elles sont femmes. Mais quand elles se livrent à une active personnalité, quand elles veulent ramener à elles tous les événements et les considèrent dans le rapport de leur propre influence, de leur intérêt individuel, alors à peine sont-elles dignes des applaudissements éphémères dont les triomphes de la vanité se composent. Les femmes ne sont presque jamais honorées par aucun genre de prétention. Les distinctions de l'esprit même, qui sembleraient offrir une carrière plus étendue, ne leur valent souvent qu'une existence à la hauteur de la vanité. La raison de ce jugement inique ou juste, c'est que les hommes ne voient aucun genre d'utilité générale à encourager les succès des femmes dans cette carrière, et que tout éloge qui n'est pas fondé sur la base de l'utilité n'est ni profond, ni durable, ni universel. Le hasard amène quelques exceptions. si les quelques âmes entraînées, ou par leur talent, ou par leur caractère, elles s'écarteront peut-être de la règle commune, et quelques palmes de gloire peuvent un jour les couronner. Mais elles n'échapperont pas à l'inévitable malheur qui s'attachera toujours à leur destinée. Le bonheur des femmes perd à toute espèce d'ambition personnelle. Quand elles ne veulent plaire que pour être aimées, quand ce doux espoir est le seul motif de leurs actions, elles s'occupent plus de se perfectionner que de se montrer, de former leur esprit pour le bonheur d'un autre que pour l'admiration de tous. Mais quand elles aspirent à la célébrité, leurs efforts, comme leur succès, éloignent le sentiment qui, sous des noms différents, doit toujours faire le destin de leur vie. Une femme ne peut exister par elle. La gloire même ne lui servirait pas d'un appui suffisant, et l'insurmontable faiblesse de sa nature et de sa situation dans l'ordre social l'a placée dans une dépendance de tous les jours dont un génie immortel ne pourrait encore la sauver. D'ailleurs, rien n'efface dans les femmes ce qui distingue particulièrement leur caractère. Celle qui se vouerait à la solution des problèmes d'Euclide voudrait encore le bonheur attaché au sentiment qu'on inspire et qu'on éprouve. Et quand elles suivent une carrière qui les en éloigne, leurs regrets douloureux ou leurs prétentions ridicules prouvent que rien ne peut les dédommager de la destinée pour laquelle leur âme était créée. Il semble que des succès éclatants offrent des jouissances d'amour-propre à l'ami de la femme célèbre qui les obtient. Mais l'enthousiasme que ces succès font naître a peut-être moins de durée que l'attrait fondé sur les avantages les plus frivoles. Les critiques, qui suivent nécessairement les éloges, détruisent la sorte d'illusion à travers laquelle toutes les femmes ont besoin d'être vues. L'imagination peut créer, embellir par ses chimères, un objet inconnu, mais celui que tout le monde a jugé ne reçoit plus rien d'elle. La véritable valeur reste, mais l'amour est plus épris de ce qu'il donne que de ce qu'il trouve. L'homme se complaît dans la supériorité de sa nature, et comme Pygmalion, il ne se prosterne que devant son ouvrage. Enfin, si l'éclat de la célébrité d'une femme attire des hommages sur ses pas, c'est par un sentiment peut-être étranger à l'amour. Il en prend les formes, mais c'est comme un moyen d'avoir accès auprès de la nouvelle sorte de puissance qu'on veut flatter. On approche d'une femme distinguée comme d'un homme en place. La langue dont on se sert n'est pas semblable, mais le motif est pareil. Quelquefois, enivré par le concours des hommages qui environnent la femme dont ils s'occupent, les adorateurs s'exaltent mutuellement, mais dans leurs sentiments, ils dépendent les uns des autres. Les premiers qui s'éloigneraient pourraient détacher ceux qui restent, et celle qui semble l'objet de toutes leurs pensées s'aperçoit bientôt qu'elle retient chacun d'eux par l'exemple de tous. De quels sentiments de jalousie et de haine les grands succès d'une femme ne sont-ils pas l'objet? Que de peines causées par les moyens sans nombre que l'envie prend pour la persécuter. La plupart des femmes sont contre elle par rivalité, par sottise ou par principe. Les talents d'une femme, quels qu'ils soient, les inquiètent toujours dans leurs sentiments. Celles à qui les distinctions de l'esprit sont à jamais interdites trouvent mille manières de les attaquer, quand c'est une femme qui les possède. Une jolie personne, en déjouant ses distinctions, se flatte de signaler ses propres avantages. Une femme qui se croit remarquable par la prudence et la mesure de son esprit, et qui n'ayant jamais eu deux idées dans la tête, veut passer pour avoir rejeté tout ce qu'elle n'a jamais compris. Une telle femme sort un peu de sa stérilité accoutumée, pour trouver mille ridicules à celle dont l'esprit anime et varie la conversation. Et les mères de famille, pensant avec quelque raison que les succès même du véritable esprit ne sont pas conformes à la destination des femmes, voient attaquer avec plaisir celles qui en ont obtenu. D'ailleurs, la femme qui, en atteignant à une véritable supériorité, pourrait se croire au-dessus de la haine, et s'élèverait par sa pensée au sort des hommes les plus célèbres, cette femme n'aurait jamais le calme et la force de tête qui les caractérisent. L'imagination serait toujours la première de ses facultés. Son talent pourrait s'en accroître, et son âme serait trop fortement agitée, ses sentiments seraient troublés par ses chimères, ses actions entraînées par ses illusions. Son esprit pourrait mériter quelque gloire en donnant à ses écrits la justesse de la raison. Mais les grands talents, unis à une imagination passionnée, éclairent sur les résultats généraux et trompent sur les relations personnelles. Les femmes sensibles et mobiles donneront toujours l'exemple de cette bizarre union de l'erreur et de la vérité, de cette sorte d'inspiration de la pensée, qui rend des oracles à l'univers et manque du plus simple conseil pour soi-même. En étudiant le petit nombre de femmes qui ont de vrais titres à la gloire, on verra que cet effort de leur nature fut toujours aux dépens de leur bonheur. Après avoir chanté les plus douces leçons de la morale et de la philosophie, Sappho se précipita du haut du rocher de Landgald. Élisabeth, après avoir dompté les ennemis de l'Angleterre, périt victime de sa passion pour le comte des sexes. Enfin, avant d'entrer dans cette carrière de gloire, soit que le trône des Césars ou les couronnes du génie littéraire en soient le but, les femmes doivent penser que pour la gloire eux-mêmes, il faut renoncer au bonheur et au repos de la destinée de leur sexe, et qu'il est dans cette carrière bien peu de sort qui puisse valoir la plus obscure vie d'une femme aimée et d'une mère heureuse. En quittant un moment l'examen de la vanité, j'ai jugé jusqu'à l'éclat d'une grande renommée. Mais que dirais-je de toutes ces prétentions à de misérables succès littéraires pour lesquels on voit tant de femmes négliger leurs sentiments et leurs devoirs. Absorbées par cet intérêt, elles abjurent plus que les guerrières du temps de la chevalerie, le caractère distinctif de leur sexe, car il vaut mieux partager dans les combats les dangers de ce qu'on aime que se traîner dans les luttes de l'amour-propre, exiger du sentiment, des hommages pour la vanité, et puiser ainsi dans la source éternelle pour satisfaire le mouvement le plus éphémère, et le désir dont le but est le plus restreint. L'agitation que fait éprouver aux femmes une prétention plus naturelle, puisqu'elle tient de plus près à l'espoir d'être aimée. L'agitation que fait éprouver aux femmes le besoin de plaire par les agréments de leur figure offre aussi le tableau le plus frappant des tourments de la vanité. Regardez une femme au milieu d'un bal, désirant d'être trouvée la plus jolie, et craignant ne pas y réussir. Le plaisir au nom duquel on se rassemble est nul pour elle. Elle ne peut en jouir dans aucun moment, car il n'en est point qui ne soit absorbé et par sa pensée dominante et par les efforts qu'elle fait pour la cacher. Elle observe les regards, les plus légers signes de l'opinion des autres, avec l'attention d'un moraliste et l'inquiétude d'un ambitieux, et voulant dérober à tous les yeux le tourment de son esprit, c'est à l'affectation de sa gaieté pendant le triomphe de sa rivale, à la turbulence de la conversation qu'elle veut entretenir pendant que cette rivale est applaudie, à l'empressement trop vif qu'elle lui témoigne. C'est au superflu de ses efforts enfin qu'on aperçoit son travail. La grâce, ce charme suprême de la beauté, ne se développe que dans le repos du naturel et de la confiance. Les inquiétudes et la contrainte ôte les avantages mêmes qu'on possède. Le visage s'altère par la contraction de l'amour-propre. On ne tarde pas à s'en apercevoir, et le chagrin que cause une telle découverte augmente encore le mal qu'on voudrait réparer. La peine se multiplie par la peine, et le but s'éloigne par l'action même du désir. Et dans ce tableau, qui semblerait ne devoir rappeler que l'histoire d'un enfant, se trouvent les douleurs d'un homme, les mouvements qui conduisent au désespoir et font haïr la vie, tant les intérêts s'accroissent par l'intensité de l'attention qu'on y attache, tant la sensation qu'on éprouve naît du caractère qui la reçoit bien plus que l'objet qui la donne. Eh bien, à côté du tableau de ce bal, où les prétentions les plus frivoles ont mis la vanité dans tout son jour, c'est dans le plus grand événement qui ait agité l'espèce humaine. C'est dans la Révolution de France qu'il faut en observer le développement complet. Ce sentiment si bordé dans son but, si petit dans son mobile, qu'on pouvait hésiter à lui donner une place parmi les passions. Ce sentiment a été l'une des causes du plus grand choc qui ait ébranlé l'univers. Je n'appellerai point vanité le mouvement qui a porté 24 millions d'hommes à ne pas vouloir des privilèges de 200 000. C'est la raison qui s'est soulevée, c'est la nature qui a repris son niveau. Je ne dirais pas même que la résistance de la noblesse à la révolution ait été produite par la vanité. Le règne de la terreur a fait porter sur cette classe des persécutions et des malheurs qui ne permettent plus de rappeler le passé. Mais c'est dans la marche intérieure de la révolution qu'on peut observer l'empire de la vanité, du désir des applaudissements éphémères, du besoin de faire effet de cette passion native de France, et dont les étrangers, comparativement à nous, n'ont qu'une idée très imparfaite. Un grand nombre d'opinions ont été dictées par l'envie de surpasser l'orateur précédent et de se faire applaudir après lui. L'introduction des spectateurs dans la salle des délibérations a suffi seule pour changer la direction des affaires en France. D'abord, on n'accordait aux applaudissements que des phrases. Bientôt, pour obtenir ces applaudissements, on a cédé des principes, proposé des décrets, approuvé jusqu'à des crimes. Et par une double et funeste réaction, ce qu'on faisait pour plaire à la foule égarait son jugement. Et ce jugement égaré exigeait de nouveaux sacrifices. Ce n'est pas d'abord à satisfaire des sentiments de haine et de fureur que des décrets barbares ont été consacrés. C'est au battement de main des tribunes. Ce bruit enivrait les orateurs, il les jetait dans l'état où les liqueurs fortes plongent les sauvages. Et les spectateurs eux-mêmes, qui applaudissaient, voulaient par ces signes d'approbation faire effet sur leurs voisins et jouissaient d'exercer de l'influence sur leurs représentants. Sans doute l'ascendant de la peur a succédé à l'émulation de la vanité. Mais la vanité avait créé cette puissance qui a anéanti pendant un temps tous les mouvements spontanés des hommes. Bientôt, après le règne de la terreur, on voyait la vanité renaître. Les individus les plus obscurs se vantaient d'avoir été portés sur des listes de proscription. La plupart des Français qu'on rencontre tantôt prétendent avoir joué le rôle le plus important, tantôt assurent que rien de ce qui s'est passé en France ne serait arrivé si l'on avait cru le conseil que chacun d'eux a donné dans tel lieu, à telle heure, pour telles circonstances. Enfin, en France, on est entouré d'hommes qui tous se disent le centre de cet immense tourbillon. On est entouré d'hommes qui tous auraient préservé la France de ses malheurs si on les avait nommés aux premières places du gouvernement, mais qui tous, par le même sentiment, se refusent à se confier à la supériorité, à reconnaître l'ascendant du génie ou de la vertu. C'est une importante question qu'il faut soumettre aux philosophes et aux publicistes, de savoir si la vanité sert ou nuit au maintien de la liberté dans une grande nation. Elle met d'abord certainement un véritable obstacle à l'établissement d'un gouvernement nouveau. Il suffit qu'une constitution ait été faite par tels hommes pour que tels autres ne veuillent pas l'adopter. Il faut, comme après la session de l'Assemblée constituante, éloigner les fondateurs pour faire adopter les institutions. Et cependant, les institutions périssent si elles ne sont pas défendues par leurs auteurs. L'envie, qui cherche à s'honorer du nom de défiance, détruit l'émulation, éloigne les lumières, ne peut supporter la réunion du pouvoir et de la vertu, cherche à les diviser pour les opposer l'un à l'autre, et crée la puissance du crime, comme la seule qui dégrade celui qui la possède. Mais quand de longs malheurs ont abattu les passions, quand on a tellement besoin de loi qu'on ne considère plus les hommes que sous le rapport du pouvoir légal qui leur est confié, il est possible que la vanité, alors qu'elle est l'esprit général d'une nation, serve au maintien des institutions libres. Comme elle fait haïr l'ascendant d'un homme, elle soutient les lois constitutionnelles, qui au bout d'un temps très court ramènent les hommes les plus puissants dans une condition privée. Elle appuie en général ce que veulent les lois, parce que c'est une autorité abstraite dont tout le monde a sa part et dont personne ne peut tirer de gloire. La vanité est l'ennemie de l'ambition. Elle aime à renverser ce qu'elle ne peut obtenir. La vanité fait naître une sorte de prétention disséminée dans toutes les classes, dans tous les individus, qui arrête la puissance de la gloire, comme les brins de paille repoussent la mer des côtes de la Hollande. Enfin, la vanité de tous sème de tels obstacles, de telles peines dans la carrière publique de chacun, qu'au bout d'un certain temps, le grand inconvénient des républiques, le besoin qu'elles donnent de jouer un rôle, n'existera peut-être plus en France. La haine, l'envie, les soupçons, tout ce qu'enfante la vanité, dégoûtera pour jamais l'ambition des places et des affaires. On ne s'en approchera plus que par amour pour la patrie, par dévouement à l'humanité, et ces sentiments généreux et philosophiques rendent les hommes impassibles, comme les lois qu'ils sont chargés d'exécuter. Cette espérance est peut-être une chimère, mais je crois vrai que la vanité se soumet aux lois, comme un moyen d'éviter l'éclat personnel des noms propres et préserve une nation nombreuse et libre, lorsque sa constitution est établie du danger d'avoir un homme pour usurpateur.